Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Véronique Lapier est une cinéaste des hauteurs. Elle aime vivre l'immersion culturelle dans les vallées himalayennes. Dans ses voyages, accompagnée par une caméra, Véronique a pu ramener beaucoup d'images pour partager la vie des populations Ladaki et Zanskari. Je l'ai rencontrée sur le festival du Grand Bivouac à Albertville, où Véronique, Anne et Éric Lapier étaient présents pour présenter l'une de leurs dernières productions, Le Village Suspendu. Véronique, bonjour. Bonjour, je suis une jeune femme de 30 ans qui vit dans les Alpes, dans la montagne, et qui apprécie autant les Alpes que l'Himalaya. Qu'a priori, ton biotope à toi, c'est la montagne? Oui, c'est là où je me sens à l'aise. Et si j'ai pas trop de relief, j'ai vite un manque. Je suis partie vivre plusieurs mois en Amazonie, dans la forêt amazonienne, et il y a un moment où il manquait quelque chose et j'arrivais pas à définir quoi. Et c'est quand je suis revenue ici que j'ai compris que c'était les montagnes qui me manquaient. Avant de partir en montagne ou en haute montagne avec toi, l'Amazonie, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené dans la jungle, qui est un milieu, un biotope très différent finalement de la montagne? Ce qui m'a amené là-bas, c'est des lectures que j'ai fait depuis l'adolescence autour du chamanisme. Et à force de lire des livres, on a envie un jour d'essayer par soi-même et de rencontrer des gens qui soignent avec les plantes et qui ont un contact avec les plantes. Donc j'ai fait un premier voyage au plein cœur de la forêt amazonienne et ensuite j'y suis retournée deux fois sur plusieurs mois pour rencontrer des courants d'héros, hein, des chamans, et je pense que j'y retournerai. Super, donc tu es réalisatrice, donc là le film que tu nous as présenté aujourd'hui c'était dans la vallée du Zanskar, dans l'Himalaya. Ouais. Et alors voyager avec ou sans caméra, quelle est la différence? Est-ce que tu retiens d'un voyage où tu es libre matériellement? Ouais, c'est pas le même voyage, c'est pas le même but, c'est pas le même objectif, c'est pas les mêmes rencontres non plus. J'aime bien voyager avec une caméra puisque ça donne un but, ça donne un objectif sur place. On vient avec l'envie de ramener un film et de le faire partager aux gens. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un rôle quand on arrive dans un village au plein cœur du Zanskar, de savoir qu'on est là pour faire un film. On a un rôle au niveau du village, on a un rôle aussi au quotidien, on a un planning où on se tient un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, on n'est pas uniquement là pour voir comment les gens y vivent, les aider, etc. Mais voyager sans caméra, c'est pas mal non plus, parce qu'on n'a pas cette contrainte. Si à un moment on a envie de reprendre son sac à dos et de partir, eh bien il y a cette possibilité aussi. Je vis bien les deux. Mais quand toi tu pars avec une caméra, alors c'est dans le but de partager les expériences, de communiquer sur des idées, sur des valeurs, sur un aspect culturel, c'est vraiment ça ton truc, c'est le partage, si j'ai bien compris. Oui, ouais, tout à fait, c'est de montrer comment vivent les gens ailleurs, mais sans me mettre en scène. L'important, c'est les gens, comment ils vivent. Voilà, donc s'effacer au tournage pour laisser la place aux gens. Donc tu es réalisatrice, maintenant je vais revenir un peu sur toi, comment t'en es arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi un jour le Zanskar, pourquoi l'envie d'y retourner, pourquoi l'envie de filmer là-bas, qu'est-ce qui se passe quoi, quelles sont ces valeurs qui t'animent, quel est le feu qui brûle en toi? En fait, moi je suis née dans une famille de cinéastes, donc déjà ça fait beaucoup, moi j'ai grandi au milieu des appareils photo et au milieu des caméras. J'ai grandi au milieu des tournages qu'on avait en Éthiopie, dans les Alpes. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment posé cette question. C'est venu un petit peu comme une évidence. Les voyages, c'est ce qui me tient. Moi, sans les voyages, je ne pense pas que je prendrais la route d'être réalisatrice. Aujourd'hui, on travaille en famille. Je travaille avec mes parents. Je travaille également avec ma belle-sœur. C'est une petite entreprise familiale. On fait des documentaires Himalaya. On fait aussi pas mal de documentaires dans les Alpes. Et c'est ce qui me booste. Le Zanskar, en fait, c'est mes parents. Ils ont fait la traversée du Zanskar en 1981. Donc c'était un an avant que je naisse. Et nous, on a grandi, avec mon frère, on a grandi dans cette cité du Zanskar à la maison. Et il y a toujours eu des albums photos, toujours en relation avec ce Zanskar, notamment un diaporama d'Olivier Folmy qui m'a éveillé quand j'avais 7 ans, cette envie d'aller sur ce fleuve gelé. Et un jour, quand j'avais 20 ans, on est parti là-bas avec Anne et Eric, donc avec mes parents, pour faire un premier film. 2 mois et demi de tournage sur le fleuve gelé. deux mois et demi qui ont été très intenses. Et je suis rentrée en France avec une immense frustration. Et avec une seule idée en tête, c'est de repartir là-bas, mais pour prendre le temps avec les gens. Voilà. Donc je suis repartie pour vivre 8 mois dans l'Himalaya. Donc 5 mois complets aux Anskars. Et j'ai sorti la caméra au bout de 4 mois, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de... J'ai l'impression que cette région, elle est magique. Beaucoup de gens, quand ils la traversent, ils en reviennent et changent, ou en tout cas, quelque chose a bougé en eux et ils y retournent. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui attire là-bas ? Et je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est magique. Tous les gens que je rencontre qui sont allés une seule fois aux Anskars comptent y retourner ou y retourneront. C'est vraiment un endroit qui nous capte ou qui nous appelle. Je sais pas ce qu'il y a de si particulier. Déjà, je pense, oui, les montagnes, un climat qui est aride. Et c'est surtout, je pense, ces gens qui vivent dans des conditions très difficiles, qui gardent le sourire, la bonne humeur et qui vivent en totale relation avec la terre. 90% de la population vit de leurs troupeaux et vit de leurs champs. Donc il y a une relation qu'on a avec les éléments, avec le soleil, avec l'eau, hein, la rivière, la fonte des glaciers qui nourrit les champs. Et je pense que c'est ça qui nous attire. Il y a une certaine simplicité où tout tourne autour de la survie et il n'y a plus de superflu. Nous, dans nos pays européens, on a tout ce qu'il faut. On a le chauffage, on a le frigo, il est plein. Bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Je sais bien ce qui se passe par chez nous. Mais je pense que là-bas, on tourne vraiment autour de la simplicité. Je repense à toi, à ton parcours. Tu as quand même eu la possibilité, jeune, de voyager avec tes parents, de vivre dans des contextes radicalement différents. Tu me parlais d'Éthiopie, après il y a eu l'Amérique du Sud avec l'Amazonie, le Zanskar, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Comment tu vivais tes retours en France et comment est-ce que tu arrivais à partager tes émotions ou ce que tu avais vécu avec les gens de ton âge à cette époque-là ? Est-ce que c'est pas difficile ? Est-ce que ça crée pas un décalage finalement ici en France ? Ouais, ça crée un décalage qui est clair. Moi j'ai commencé à voyager toute seule quand j'ai eu 18 ans et plus le temps passe et plus les retours sont doux. Tandis que les premiers voyages, les retours étaient assez difficiles. Moi j'étais étudiante aux Beaux-Arts à Grenoble. Donc c'est vraiment une école pleine de couleurs et pleine de remodissements. Et avec des soirées étudiantes, etc. J'avais mon petit appartement à Grenoble. Bon, c'était une vie assez pépère. Et là, j'ai fait le premier voyage aux Anskars. Et quand je suis revenue de ce premier voyage, je me sentais plus du tout... Je me sentais décalée, quoi. Et... Bah voilà, ça fait rien, quoi. J'ai pris un autre chemin. Et puis maintenant, ça va. Oh, dear. Donc là, le documentaire qu'on a vu aujourd'hui, c'est donc cette vallée du Zanskar, où vous remontez, j'ai oublié le nom, la rivière gelée. Le Tchadar. Le Tchadar, ça veut dire le fleuve gelé. Ok, simplement, en Zanskari, tu as fait des images absolument magnifiques, hein, sous différents aspects. Combien de temps tu as passé là-bas et comment est-ce qu'on vit seul avec sa caméra entourée de Zanskari? Est-ce que le contact est facile? Est-ce que l'intégration est facile? Ouais, c'est des voyages qui nécessitent une bonne remise en question, une bonne dose d'adaptation. Et que si je cumule tous les voyages, j'ai passé plus d'un an et demi dans cette région de l'Himalaya, et notamment dans un village qui s'appelle Zanglatampo, où je suis restée dans une famille avec Dolma et Stenzin. Donc aujourd'hui, c'est une famille que je considère comme ma deuxième famille. Dolma ne parle pas un mot d'anglais. Quoi, ouais, si, deux. Sleeping et good, voilà. Et donc du coup, j'ai appris la langue, je ne vais pas dire au jour le jour, mais mois après mois, grâce à Dolma et à sa grande tolérance et à sa grande patience. Et un rythme plutôt zanskarpa, hein, puisque le matin, j'allais chercher l'eau à la source, j'allais ramasser les bousses de yak, je m'occupais des enfants, leur préparer à manger, les équiper pour aller à l'école, aller voir les troupeaux, faire la traite des yaks, des chèvres, faire le fromage, le beurre. Donc une vie qui n'a pas été facile tout le temps, puisqu'il y a des grosses remises en question. Il y a des moments où on se demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on se met dans telle situation. Et puis finalement, avec du recul, c'est peut-être ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait tenir. Est-ce qu'il y a des moments où on se dit aussi, bon allez, la France c'est bien, je l'ai vécu jusqu'à maintenant, maintenant je veux autre chose, ça me plaît, vivre ici dans la montagne, même si la vie est difficile, je vais rester ici plus longtemps. Est-ce que tu as eu cette envie de tout lâcher pour rester là-bas? Non, pas du tout. Je crois que c'est à faire les différents voyages, pas uniquement aux Zanskar, mais tous les différents voyages que j'ai pu faire à l'étranger, ça m'a appris à quel point on vit dans un pays qui est superbe. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, donc... on a la montagne, on a la mer, on a l'océan, on a les plaines, les villes, on a une richesse au niveau de l'alimentation, au niveau de la culture, et on a une chance. Et on a aussi la chance de pouvoir prendre un billet d'avion et d'aller là-bas, ce qui n'est pas forcément le cas des gens là-bas, de prendre un billet d'avion pour venir ici. Donc non, j'aime bien la France, mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Je pense que aujourd'hui, j'habite dans une maison, une vieille maison, et j'ai mon potager. Donc j'aime travailler la terre, parce qu'il y a cette relation à l'alimentation qui, pour moi, est essentielle. Et je pense que c'est des choses que j'ai appris aussi en voyage. La valeur d'un grain de riz, j'ai fait pousser du riz en Indonésie. Ça va être la valeur d'un grain d'orge aux Zanskar. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mon petit potager, j'y passe du temps et j'y passe du bonheur. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Tu es sur quoi comme projet? Tu vas continuer à filmer plutôt en Himalaya ou pas forcément? Comment est-ce que tu vois la suite pour toi, Véronique? Oui, continuer à filmer en Himalaya, oui. Là, on est sur un quatrième projet, un quatrième film. On a quasiment toutes les images qui sont tournées. Il faut qu'on s'attaque au montage. Je pense qu'un ou deux voyages en plus ne feront pas de mal pour alimenter encore un peu plus les images, le stock d'images. En parallèle, avec Anne et Eric, donc avec mes parents, on réalise également pas mal de documentaires dans les Alpes, notamment des documentaires animaliers et surtout des documentaires sur la vie des traditions, sur les bergers, sur comment vivent les hommes ici dans nos montagnes, les bergers, les fromagers, tout ce qui touche... le pastoralisme, etc. Donc, les savoir-faire. Voilà, les savoir-faire. Donc là, on est sur plusieurs films en cours. Il y a à peu près 4-5 films qui sont en cours de tournage et montage. Donc vous êtes quoi? Vous êtes réalisateur, producteur, diffuseur? C'est quoi L'Apied Film? Voilà, c'est l'Apied Film. Donc on est derrière la caméra au tournage, on est derrière le banc de montage pour construire un film. Et ensuite, on est aussi à toquer dans les différents commerces des différentes villes pour proposer nos affiches, pour faire l'affichage. Et ensuite, on présente nos films. Soit on nous prête des salles, soit on loue des salles. Et notre statut, c'est cinéaste conférencier. Ok, donc vous bossez aussi avec d'autres associations, je pense à Connaissance du Monde, qui font des tournées de conférences, non pas du tout, vous êtes complètement indépendant? Non, on ne tourne pas avec Connaissance du Monde. Moi, j'ai eu l'occasion et le bonheur de travailler deux fois avec l'équipe de Planète Couleur, hein, justement, Carnet de Voyage. Et donc là, c'est des tournées qui ont lieu autour de Lyon et Saint-Etienne. Mais autrement, on est propre organisateur de nos propres tournées. Et on arrive à en vivre, donc on vit à quatre dessus, et ça nous permet de financer nos prochains films. Donc on est quasiment en autoproduction. Hormis quelques sujets sur les bergers, où parfois on a quelques subventions, mais autrement, on finance nos films. C'est génial. Non, j'aime bien, parce qu'en plus, c'est un truc... Ce qui est vraiment super, c'est qu'on a un métier qui est très polyvalent, on touche à tout, on travaille en famille et ça se passe très très bien. Quand on voyage, on revient, on peut en discuter avec les gens ils apprécient ce qu'on fait et on est même reconnu pour ce qu'on fait. C'est vraiment un beau métier. Je veux revenir aux Oscars dans cette vallée et j'ai envie de mieux comprendre ce qui s'y passe au niveau du tourisme. Les populations là-bas, plusieurs fois dans le film on parle des trekkers, je ne me rends pas bien compte de la densité, du nombre de trekkers qui passent là-bas chaque année. Est-ce que tu aurais des chiffres? Est-ce que tu peux me parler du tourisme là-bas? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est plutôt bien accueilli? Est-ce qu'il y a des dérives? Quelle est ta vision à toi sur le trek dans l'Himalaya ou le Zanskar? Au Zanskar, en été, il faut compter à peu près entre 2000 à 3000 touristes qui font la grande traversée ou qui traversent plus ou moins le Zanskar, qui font des treks. Les treks, hein, c'est des randonneurs qui viennent soit en individuel, soit en groupe avec des agences de voyage spécialisées et qui vont pendant les mois de juin, généralement jusqu'à fin septembre, je ne vais pas dire inonder, mais qui vont investir le Zanskar, faire une étape de tel à tel village par jour, s'arrêter, regarder comment les gens vivent. Je pense que c'est pas si mal. Bon, j'ai deux regards en fait. D'une part, ça crée une nouvelle économie, ça crée des nouveaux besoins. Les gens, ils voient que les trekkers, ils ont des jolis polaires, des jolies lunettes de soleil, donc ils en ont envie. Donc après, ça va créer quelques petites tensions entre les familles, entre les villageois, entre les villages qui sont sur les routes de trek et puis ceux qui sont à l'extérieur des routes de trek. Et en même temps, c'est un regard qui est plutôt positif. Les trekkers qui viennent dans ces régions, dans ces villages, c'est pour découvrir une culture avec un regard qui est assez à l'écoute et assez respectueux. Voilà. Donc je pense que c'est bien, dans la mesure également où en ce moment il y a une route qui est en train de se créer, qui va bientôt relier directement le Ladakh au Zanskar. Et donc là, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont venir au Zanskar et les gens qui vont délaisser un petit peu leurs champs, leurs travaux, pour pouvoir accueillir les gens de passage. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait ces trekkers en été, ça permet de faire un premier palier d'adaptation à cette future vague qui va arriver avec l'ouverture de la piste. Tu dis 3000 trekkers à peu près sur la période estivale. Combien de Zanskari habitent dans la vallée du Zanskar? On sait à peu près combien de villages, combien de personnes? Ouais, à peu près, il y a à peu près 11 000 habitants qui sont répartis dans des villages d'environ entre 100 et 500 habitants. Voilà, 100, 500, 600 habitants. Voilà, c'est quand même... Bon, généralement, en été, les gens, la priorité, c'est de s'occuper des champs. Ils ont 4 mois pour cultiver l'orge, le pois et le blé. Donc il faut consacrer leur temps aux travaux des champs, l'irrigation, le désherbage et gérer que tout aille bien. Sans compter qu'il y a souvent les filles qui emmènent les troupeaux un petit peu plus loin du village pour les faire paître pendant tout l'été. Et donc du coup, les familles ne peuvent pas forcément accueillir les touristes de passage. Donc là, dans certains villages, ils ont même aménagé des plateformes pour faire des campings. Comme ça, les touristes, ils arrivent, ils ont leur tente et ils sont indépendants aux villageois. Plus généralement, le voyage, donc... J'ai bien compris que tu aimais ça, que tu aimais bien voyager. Qu'est-ce que c'est pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que c'est voyager? Je me sens libre quand je voyage. Voilà, je me sens bien, je me sens libre, je me sens légère. Il y a aussi des moments, des gros moments de doute, et ça m'apporte énormément, les moments où il y a des remises en question sur soi-même. Donc, les rencontres aussi, les rencontres avec les gens. La caméra, si c'est pour le boulot, je l'emmène. Si c'est pas pour le boulot, j'emmène une brosse à dents et un t-shirt, quoi. Et pour le côté technique, c'est vrai que quand on part avec une caméra, c'est tout de suite une logistique beaucoup plus lourde parce qu'il faut aussi penser, là, dans la condition Himalaya, il fait froid. Alors, est-ce que c'est facile de filmer quand il fait moins 10 degrés? Est-ce qu'il n'y a pas de buée sur l'objectif? Comment tu t'organises pour recharger tes batteries? Tous ces détails techniques qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais qui sont des problématiques bien réelles à gérer sur le terrain. Bah ouais, quand on part avec une caméra, tout de suite, ça veut dire sac plus lourd. Surtout dans l'Himalaya, hein, c'est pas comme quand on part en Indonésie sur les îles où le sac est vraiment mini parce qu'on est habillé juste d'un sarong ou d'un petit bout de tissu, quoi. C'est vrai que dans l'Himalaya, tout de suite, on a des épaisseurs, hein, des collants, des pantalons, des chaussettes, une doudoune, une polaire. Donc le sac est déjà assez volumineux, plus la caméra. Surtout que nous, avec Anne-Éric, on travaille d'une manière où toutes les images sont faites sur pied. On travaille très très peu caméra au point. Pour vraiment avoir une qualité au niveau de l'image, au niveau du cadrage, on essaye toujours de faire nos images sur un trépied pour avoir une image stable et assez lisse et assez belle. Donc voilà, il faut aussi emmener un pied. Les batteries, dans l'Himalaya, de plus en plus de maisons sont munies de panneaux photovoltaïques qui rechargent une petite batterie, c'est ce qui leur permet d'avoir de l'électricité le soir. Donc nous, quand la batterie est pleine, on peut se recharger aussi nos batteries dessus, on se branche dessus. Ça ne les remplit pas à 100%, mais comme on a plusieurs batteries, on fait un roulement. On n'utilise pas le petit écran LCD pour voir ce qu'on filme. On ne revisionne pas les images qu'on a tournées, donc on tourne à l'économie. On n'abuse pas du tournage. On ne va pas laisser tourner la caméra juste « Ah ouais, ça, il faut absolument que je le filme, il faut absolument que je le filme. » Non, non, on va essayer vraiment de tourner à l'économie, de penser chaque plan pour ensuite avoir aussi moins de travail de dérochage par la suite. Donc les films, si j'ai bien compris, enfin j'ai bien compris, il y en a trois plus un quatrième en préparation. Donc les trois et un cinquième, on va en citer quelques-uns, de moins les titres. Donc j'ai retenu Dolma, mais après j'ai mal appris ma leçon. Donc le premier film qu'on a tourné là-bas avec Anne et Eric, c'était Zanskar, le chemin des glaces, qui est tourné uniquement en hiver sur le fleuve gelé. Deuxième film, c'est Dolma du bout du monde. Donc là, on parle plus de la vie dans les villages, dans la vallée, les mariages, les travaux des champs. Les pâturages d'été, donc ça c'est un petit peu plus ethno, où on suit l'histoire d'une famille, donc ça c'est Dolma du bout du monde. Là, on a sorti cette année donc, Le village suspendu, qui se passe dans un village suspendu à 4000 mètres d'altitude, qui s'appelle Lingchet, où on suit le destin d'un jeune homme qui s'appelle Tashi, de ses cinq sœurs. Et puis, on a réalisé aussi en off un film pour les enfants qui s'appelle Lamo, l'enfant de l'Himalaya. Donc ça, c'est un film qui vient de tout de suite de sortir. Hein. Il n'est même pas encore fini complètement. Donc là, ça sera un film qui sera plutôt dédié aux écoles, aux scolaires et quelques séances pour les juniors. Et là, on prépare un cinquième film pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Est-ce que tu as eu l'occasion d'apprendre une petite chanson, peut-être que Dolma chantait à ses enfants? C'est ça, je chante comme une casserole. Allez. Julenye mole juna kande tel de choldu nimbo kande bida jaldon kande choldu. Et quelques leçons de vie que t'as données le Zanskar ou le voyage? L'instant présent. Vivre l'instant présent, puis qu'on n'est pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est surtout ça. On n'est rien du tout, et ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. Un bouquin que tu aimerais bien me partager avec moi ou avec celui qui nous écoute? Chante ta rame. Voilà, donc ça, c'est un livre Grégory David Robert, ou bon, c'est dans l'ordre, je ne sais pas exactement. C'est un homme qui s'est évadé d'une prison d'Australie et qui arrive à Bombay en fugitif et qui va apprendre la vie en Inde. C'est un livre à lire absolument et à relire. Et pour terminer, ton prochain voyage, on va pas dire vacances, mais ton prochain voyage sans caméra? Sans caméra, je sais pas. Prochain voyage, je pense que ce sera avec une caméra. Certainement l'Inde, j'ai un coup de cœur pour l'Inde. Peut-être en décembre et sûr en février. Voilà. Merci Alexandre. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.